Ragamuffin dans le pot, ça. Original Radical Stein. Cherche pas, y'a rien à vendre. Bouh! Put the mic again, put the mic again, put the mic again. Put a monkey, put the mic again, put the mic again, put the mic again. Put a monkey, put the mic again, put the mic again, put the mic again. Put a mic again, put the mic again. Man, monkey, pon the mic again. Put a monkey, put the mic again, put the mic again, put the mic again. Put a monkey, put the mic again, put the mic again, put the mic again. Put a monkey, put the mic again, put the mic again, put the mic again. Man, monkey, pon the mic again. Select, don the beat, the mic on the monkey. Don the bon style, pal the gun, pal the mic, pal the new pass ton chemin. Ton boy, boy, come to be boy, man. Bad boy, tout stressé, reste le coin, on veut des sound system clean. Des clashs intelligents, on veut des beats plaques au platine. Pour redonner le sourire aux gens, on veut du pur agamorphine. Encore pour longtemps, pour ça s'éloigner, on l'a bien mis la côte de l'iris conscientieux. Original stun, original, original, on veut du raga social dealer. Original stun, original. Original, on fait du raga social. Man a monkey, put a mic again, put a mic again, put a mic again. Man a monkey, put a mic again, put a mic again, put a mic again. Man a monkey, put a mic again, put a mic again, put a mic again. Man, monkey, put the mic again. Man a monkey, so the mic again, so the mic again, so the mic again. Man a monkey, so the mic again, so the mic again, so the mic again. Man a monkey, so the mic again, so the mic again, so the mic again. Man, monkey, put the mic again. Ça fait pour nouvelle école, dès de l'ancienne école. Voilà Jimmy, pour pas laisser. Tu connais pas mal, retourne à l'école. C'est les Capone, non mais le feu à Paris avec son stand dans le procès. Je me souviens, j'étais petit, maintenant mon représente le mouvement. Du mieux possible, sans tricher, sans arrangement. Ragamuffin, on essaie de protéger les enfants. Leurs sont débiles, non, pas des exemples, mais loin d'être leur complice. Je donne du reggae, je me la joue pas jamaïcain. Quand je pose le bon bateau, je pose pas comme un londonien. Je te donne du raga, c'est mon son, ça c'est le mien. C'est Ragamuffin en procès, peu importe si ça convient. Je te donne du reggae, je me la joue pas jamaïcain. Quand je pose le bon bateau, je pose pas comme un londonien. Je te donne du raga, c'est mon son, ça c'est le mien. C'est Ragamuffin. Pour pas sonic, put the mic again, put the mic again, put the mic again. Man, monkey, sur le mic again, sur le mic again, sur le mic again. Pour pas sonic, put the mic again, put the mic again, put the mic again. C'est Radical Sam qui put the mic again. Man, monkey, put the mic again, put the mic again, put the mic again. Man, monkey, put the mic again, put the mic again, put the mic again. Man, monkey, put the mic again, put the mic again, put the mic again. Man, monkey, put the mic again. Man, monkey, sur le mic again, sur le mic again, sur le mic again. Man, monkey, sur le mic again, sur le mic again, sur le mic again. Man, monkey, sur le mic again, sur le mic again, sur le mic again. Man, monkey, put the mic again. Tu la dance, old man, tu se connais pas, ton épée, connais pas, ni connais pas, mon émotion, ton fond est fuga. Qu'est-ce pour couper les fuga? Non, pour pas, non, tu ne connais pas, c'est le man, monkey, oui, voilà pour toi. La croix du micro, viens faire danser des mots, mais faire caler ses jobs, il a pick a murder. Que les bonnes vibes pour les massifs, yo. Ragamuffin pour les massifs, yo. Pas la madame, ce n'est pas les bad man, c'est le pure good boy dans la série, yo. Man, original, pour pas sonic, man, a monkey, c'est tout. Radical style.